Oui. Oui. Non, et c'est le moment c'est de l'interview. Voilà. Et l'interview du jour, c'est avec Lise Barkas, qu'on est vraiment méga ravis de recevoir. On aurait dû être accompagné de Clément Vercelletto aujourd'hui, mais qui fait finalement, en fait, il a des soundchecks pour son concert de ce soir, oui, ce qui est aussi bien, quoi. Donc nous allons juste discuter avec Lise, et ça tombe bien parce qu'on a vraiment à peu près des milliards de choses à se dire. En tout cas, moi j'ai un peu des milliards de choses que j'ai envie d'écouter et de poser comme question. Comment tu vas déjà? Super, et toi? Ouais, trop bien, genre vraiment j'ai méga contente, ça, c'est trop ça bien. Tout ça grâce à la cornemuse, hein? Tout ça grâce à la cornemuse, ouais. Pas que mais... Pas que, mais quand même beaucoup. Hein. Oh là là. Et oui, du coup, Lise Barkas, entre autres musicienne. Je ne sais pas après tes différentes casquettes, mais peut-être tu vas nous en causer. Mais en tout cas, instrumentiste de ce que je te connais pour l'instant, Via la Roue et cornemuse, dont tu as joué hier et que j'ai trouvé absolument fascinant et émouvant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... Est-ce que tu as rencontré cet instrument ou le parcours qui t'a mené à rencontrer cet instrument et à tomber en amour avec, s'il Alors, te plaît? Ça a commencé par la vielle, d'abord, que j'ai entendue. Je l'avais entendue dans mon enfance, mais je ne m'en rappelais pas spécialement. Il y avait quelqu'un qui en jouait à Strasbourg, dans la rue. C'était un gars qui s'appelait Paul Kelly, un Irlandais. Et ça m'avait déjà marqué, mais je l'avais un peu oublié. Et plus tard, adolescente, j'ai écouté. Alors, via des musiques de films, j'ai découvert ensuite Coil. Dans de la musique de Coil, j'ai entendu de la vielle à roue. Je ne savais pas ce que c'était. Juste, il y avait une espèce d'instrument qui me faisait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre et qui m'a... Comment, c'était un peu un choc esthétique. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait que ça me faisait cet effet-là. Du coup, j'ai enquêté sur cet instrument. C'était la vielle à roue. J'ai écouté plein de trucs avec de la vielle à roue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le son de cet instrument. En fait, il se passe plein de choses dans le son de cet instrument. Parce qu'il y a plein de cordes différentes et plein de bourdons et de bruits et tout un espèce d'environnement, c'est pas que la mélodie, mais c'est tout un ensemble, quoi. Et petit à petit, en découvrant la vielle, dans les endroits où il y a de la vielle, j'ai découvert aussi la cornemuse, bien sûr, puisque c'est souvent dans les mêmes endroits. Et au début, je me suis dit, non, mais jamais je joue de ce truc. Ça a l'air impossible. Et petit à petit, ça m'a pris aussi. Et voilà, j'ai joué de la cornemuse. Est-ce que tu jouais d'instruments avant de commencer ça, ou t'as vraiment découvert la musique en même temps, ou... Ouais, j'avais joué un peu de flûte au collège, donc je savais un peu faire des petites doigtées de flûte viteuf, parce que j'écoutais beaucoup de musique, et des fois j'essayais un petit peu de reprendre des trucs, mais je ne me considérais pas du tout comme musicienne. Donc il a fallu apprendre la musique aussi, c'est vrai, c'est pas que la vielle. J'ai trouvé une prof de vielle, et elle a essayé de m'inculquer aussi des notions de théorie musicale, même si c'est pas la manière la plus courante d'apprendre dans le milieu trad. C'est quand même beaucoup transmission orale, donc elle a fini par comprendre que c'était ça aussi qui marchait mieux avec moi. Et donc ça allait bien avec ce qui se fait habituellement dans ce milieu-là. Mais effectivement, pour jouer avec des gens, c'est bien de savoir un peu, d'avoir des notions un peu de solfège, au moins un petit peu. Au début, vraiment, on me disait 3 temps, 4 temps, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Genre bourré à 3 temps, ok. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai un peu fini par comprendre ce vocabulaire et apprendre de la musique finalement, pas que la vielle et la cornemuse. Ouais, adopter le vocabulaire qui va aussi autour, c'est clair. Et tu parlais du bourdon, d'essayer d'essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui faisait dans ce son là, qu'est-ce qui procurait ça, ces effets dans ce son, enfin qui t'avait poussé à vraiment avoir envie de faire que ça. Et du coup, t'as trouvé? C'est quoi? Parce que je me suis demandé aussi hier, enfin juste pour faire petit aparté, quand j'ai écouté le concert, j'ai vraiment eu un moment les larmes comme ça qui ont coulé, puis je me disais mais arrête. Et à pas réussir à capter aussi cette espèce d'émotion là, mais juste dont je me demandais, est-ce que toi à force tu peux répondre à ça, pourquoi ça fait pleurer, enfin, et c'est quoi dans le son qui tu vois? Je sais pas si je saurais toujours expliquer ça, franchement. Maintenant j'ai réussi à acquérir quelques mots de vocabulaire du style le bourdon, la modalité, les modes, les intervalles, des trucs comme ça. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau là au niveau du timbre aussi, donc j'arriverai à isoler les éléments et dire voilà, dans cette note là il y a des harmoniques à peu près comme ci comme ça, mais alors l'ensemble et l'effet que ça me fait, à part me créer des images dans ma tête qui font qu'il se passe quelque chose et des émotions et des trucs dans mon corps, c'est toujours un grand mystère, quoi. La cornemuse n'est pas un oignon. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fait pas pleurer de cette manière-là. Mais j'avais une question, justement. C'est vrai que ça, c'est sûr. Tu parlais de ces lieux un peu interlopes où les cornemuses et les vielles se rencontrent. Interlope, ce sera le mot du jour de demain. Voilà. Mais en fait, la question que je me posais par rapport à ça, c'est justement comment est-ce que toi, tu en arrives à travailler ces deux instruments et à les proposer en concert. Est-ce que c'est un hommage en fait à cette rencontre ou à ces zones de rencontre instrumentale ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui fait que tu joues de ces deux instruments comme hier en concert? Alors, disons que ce qui me pousse à jouer de la vielle, oui. Moi, dans mon coin, c'est que il se passe quelque chose quand je l'entends faire des sons et je fais « Waouh, tu sais faire ça, oh là là !» Du coup, je continue à le faire et ça me raconte un peu des petites histoires que j'ai envie de mettre les unes après les autres. Mais après, j'ai pas moi-même cherché à aller jouer devant des personnes. Je suis allée jouer dans des balles parce qu'il y avait d'autres gens qui jouaient de ces instruments-là. Et petit à petit, on m'a dit « Ah tiens, tu pourrais faire un petit concert, un machin, etc. » Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que des gens avaient aussi envie d'entendre ça. Donc peut-être qu'on pouvait partager quelque chose avec cet instrument-là. Est-ce que c'était ça ta question? Non, ma question, c'était... Enfin, tu parlais du fait que là où il y a de la vielle, il y a de la cornemuse. Ah. Et en fait, dans ce concert d'hier soir, il y avait ces deux instruments. Et puis, bon, moi, j'entendais des affinités sonores qui étaient vraiment évidentes. Mais je ne sais pas si pour toi, il y a quelque chose qui part de ça ou qui va au-delà de ça, dans le fait de dire, dans cette rencontre de la cornemuse et de la vielle, il y a aussi quelque chose à faire quand on propose un concert de mélanger ces deux instruments ou de les proposer l'un après l'autre. Ah oui, alors j'avais pas du tout pensé ça comme ça. Ouais, je crois que c'est Interlope qui a bloqué ça, tout voilà, le monde. C'est ça qui m'a... Mais souvent, on les entend ensemble. Donc il y a des affinités. Il y a quand même ce truc, elles ont toutes les deux un bourdon. Il y a des mélodies particulières qui se jouent, qui passent bien sur les deux. Quoi. C'est aussi son continu. Donc il y a aussi un peu ce truc de trouver des manières d'amener du rythme dans un instrument avec un son continu. Il y a un peu les mêmes questions qui se posent quand tu joues des deux, même si c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc on les entend souvent ensemble. C'est un peu comme si c'était, comme s'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux. Effectivement, je sais pas quoi, mais alors. Et après, il se trouve juste que je joue les deux, donc j'ai envie de jouer les deux en concert. J'ai pas spécialement pensé de cette manière-là. Je sais pas, c'est vrai que elles sont un peu bizarrement cousines. C'est pas vrai. Historiquement, il me semble pas, mais il y a quand même. J'ai l'impression que ça part un peu de la même idée, quoi. Ah, en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui se passe avec les deux instruments, enfin la manière dont tu les as joués, en tout cas hier, l'un après l'autre, c'était assez magique, en fait. Ouais, alors qu'a priori, c'est vraiment des factures quand même très différentes, quoi. On a d'un côté un instrument à cordes assez vraiment mécanique, et puis de l'autre, un instrument à vent, purement vent, quoi. On pourrait dire, quoi, le point commun, c'est le bois. Enfin, voilà, des manières de faire un peu résonner le bois comme un peu dans pas mal d'instruments, on va dire. Mais oui, sinon c'est vrai que c'est des deux côtés une conception qui fait qu'on peut jouer plusieurs tuyaux ou plusieurs cordes à la fois de manière différente avec le même instrument, je sais pas comment dire, avoir plusieurs sources sonores qu'on peut un peu manipuler séparément. Bah après le point commun, enfin il y a un peu vraiment cet élément du bourdon que je trouve vraiment assez particulier, et j'aimerais beaucoup t'en entendre parler avec un peu ton enthousiasme de, de musicienne, si ça te dit, hein, tu vois. Mais moi, c'est un truc, ça m'est vraiment apparu parce que c'est aussi quelque chose que je vais essayer de chercher dans des pratiques plus noise ou plus de Larsen aussi. Enfin voilà, d'avoir cette espèce de son continu sur lequel tu viens un peu bricoler des choses, faire des rajouts, des modulations. Mais je trouve là, il y a vraiment comme, je vais essayer de pas tomber dans ce genre de vocabulaire, mais quand même, petit mot transcendantal, tu vois, avec ces types de sons là, puis juste, voilà, ça t'inspire quelque chose. Ben évidemment, ça fait partie des éléments de l'instrument qui m'ont fait quelque chose à la base. Pardon, tu veux communiquer avec nous ? C'est bon, j'ai tout compris ce qu'elle a dit par mime. Ok, mais comment dire, en jouant de la vielle, c'est aussi un truc dans lequel on tombe forcément, parce qu'on tourne la manivelle, il se passe quelque chose, de toute façon, même sans jouer, il y a un bourdon, on écoute, et avant même d'arriver à faire des mélodies de manière fluide, juste écouter ce truc-là, c'est déjà, il se passe quelque chose en soi, apprendre à accorder l'instrument, ça c'est aussi que je suis passée par là, il fallait apprendre, on m'a dit, tiens, tu écoutes les battements qu'il y a dans le bourdon, et puis après tu t'accordes pour entendre plus que ça. Au début, c'était complètement abstrait pour moi, et petit à petit, juste en tournant et en écoutant, en accordant, ça faisait de la musique. Ah viens. Si, vas-y, viens Clément. Bien sûr. Attends, j'ouvre le micro. Ah, mais c'est trop bien. Carrément. Et puis il y a dans cet instrument des sonorités que tu vas aussi chercher qui dépassent le cadre traditionnel, qui font penser beaucoup à de la musique électronique où Emma parlait de noise tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse ou un champ dans lequel tu vas aussi rechercher des choses plus particulièrement Oui, tout à fait. Oui. Mais déjà, même avec la première approche de la vielle, il y avait déjà des choses qui m'intriguaient, genre cette espèce de petit son, en fait, qui était le cliquetis des touches du clavier, donc vraiment le côté bruit de l'instrument même, ça faisait aussi partie du son, même si je ne me rendais pas vraiment compte de qu'est-ce qui était quoi. Et petit à petit, je fais, ah ouais, ok, d'accord, c'est aussi le son de la mécanique. Et donc, c'est des choses qu'on peut aussi intégrer dans le jeu. Et ensuite, les réglages, il y a tellement de réglages sur la vielle que tu peux un peu détourner pour créer encore d'autres sons et aller fouiller. Et puis il y a un truc sur la vielle qui s'appelle le chien. Le chien. Et ça intéresse j'ai envie d'en notre parler. La vielle, spécialiste du Dog of the Day. Alors qu'est-ce que c'est le chien sur la vielle? Le chien, c'est la meilleure partie de la vielle, à mon humble avis. C'est un petit chevalet qu'on met en dessous d'une corde qui s'appelle la trompette, qui fait une sorte de bourdon quand on la joue de manière normale, en contournant la manivelle de manière stable. Et quand on accélère, selon comment on le règle, quand on accélère un petit peu ou beaucoup ce qu'on appelle le coup de poignet, le tour de roue, ça la met en vibration. Et donc on entend une espèce de petit grésillement. Ça fait un peu comme un timbre sur une percue. Cette espèce de petit élément bruité un peu saturé comme ça. Une disto. Pardon ? Une disto. Une disto, tout à fait. Et on s'en sert normalement dans le jeu traditionnel de la vielle pour articuler. Comme c'est un son continu, on s'en sert pour un peu séparer les notes ou faire un rythme à côté. Et sinon, c'est aussi un élément vraiment très très détournable, puisque c'est une petite pièce qu'on peut enlever, qu'on peut modifier, qu'on peut fabriquer, qu'on peut transformer, qu'on peut retourner, qu'on peut enlever. Et et qui amène dans l'infini de l'univers du son à tout jamais. Et après, on continue, on joue pendant des heures, et on se réveille, et on est en 2027. Et voilà. Génial. Ok. Pour se remettre un tout petit peu de cette émotion, on va passer un extrait, un extrait sonore, et comme ça, on peut respirer un coup. Thank you. Et voilà, c'était pas du tout de la vielle, ça c'était de la cornemuse, n'est-ce pas? Bon, alors du coup, c'est super, il y a Clément Barcelletto qui nous a rejoint, finalement il a terminé son soundcheck plus tôt que prévu, en ayant commencé vachement plus tard que prévu, ce qui est vraiment pas une mince affaire, bravo. Comment ça va? Ouais, ça va. Carrément. Ouais, c'était bien avec Thierry, c'était super. Trop bien. Ouais. Vraiment cool. C'est trop super. Du coup, ben, toi, tu as joué hier sous ton nom, Clément Barcelletto, une pièce que j'arrive pas vraiment à dire. Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est une installation? Est-ce que c'est un être qui s'appelle L'Engoulevent? Tu rejoues ce soir sous le nom de Sarah Terral. Est-ce que tu peux nous causer un peu déjà de ce que tu as fait hier, du process, du parcours qui t'a amené à fabriquer cet instrument qu'on se demande des fois qui est l'instrument de qui pendant la perfo? Ouais, carrément. Je peux vous raconter. En fait, j'ai fait une création qui s'appelait Devenir imperceptible, qui était une pièce pour la scène, pour l'art vivant, avec une scéno, de la lumière, une interprète danseuse sur scène, voilà, toute une équipe. Et en fait, que j'ai créée à Musica il y a 3 ans, à Strasbourg, et que j'ai joué ensuite dans plutôt les lieux d'art vivant, voilà. Pardon. Et en fait, c'est pour cette pièce que j'ai commandé l'instrument, enfin qu'on a imaginé l'instrument avec Léo Morel, le luthier de l'instrument, où moi j'avais imaginé au départ le faire tout seul, donc j'avais acheté... Ah, je ne sais pas si je peux en parler directement comme ça, sans avoir décrit l'instrument, les gens ne vont peut-être pas forcément comprendre, mais j'avais acheté des éléments qui servent à la construction de cet instrument, notamment la carte MIDI et les électrovannes qui sont à l'intérieur de la bestiole en elle-même. Et puis j'avais appelé Léo, que je connaissais déjà un peu, en lui disant « Ah, bah, je me lance là-dedans », voilà, un peu comme une personne référente pour la construction. Et j'imaginais le faire tout seul. Et puis petit à petit, j'ai eu de la prod sur ce projet, j'ai eu des subventions et tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est trop dommage de... Enfin, moi, je vais réussir à le faire tant bien que mal, et lui, il va le faire génialement, et moi, je vais mettre 6 mois, et lui, il va mettre 1 semaine, quoi. Et puis, j'avais de l'argent, et je me suis dit, c'est génial de pouvoir le payer, en fait. Enfin, je me suis dit, trop bien, en fait. Je vais lui donner de la thune pour qu'il fasse son taf. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Je lui ai demandé s'il était partant pour le construire. Il m'a dit oui. Et puis, du coup, je suis allé deux sessions de 3-4 jours chez lui à Dangolsheim, on dit, Dangolsheim, à côté de Strasbourg, pour la construction de cet instrument. Et puis à la fin de la construction, très vite, il m'a dit, mais alors, il faut lui trouver un nom, quoi. Moi, j'avais déjà ce mot, en fait, qui est donc le nom d'un oiseau, qui s'appelle l'engoulevent, que je trouvais trop beau, en fait, indépendamment même de la construction de cet instrument, j'avais déjà... Et puis donc, quand je lui ai dit l'engoulevent, il m'a tout de suite dit oui, puis il y a plein de goût et de vent, et de... Enfin, il y a un truc qui se mâche, je trouve, dans ce mot, qui est super... Enfin, moi, qui m'évoque bien l'instrument en lui-même, même si cet instrument n'imite absolument pas le chant de l'engoulevent, qui a pas du... enfin, voilà, ça n'a pas du tout à voir, hein. Enfin, ça a à voir et pas à voir, quoi. Voilà, donc j'ai fait la pièce avec cet instrument. Et puis après, je savais à la construction que j'allais faire une version dédiée, quoi, une version concert, en fait. Et puis voilà, petit à petit, j'ai imaginé la version concert qui a été créée en septembre dernier à Rennes, avec l'équipe du Bon Accueil, qui est une galerie d'art sonore, quoi, en gros. Et donc cet instrument, l'engoulevent, c'est un instrument qui mêle lutherie électronique et puis aussi une soufflerie, un dispositif qui est finalement aussi assez analogique. Est-ce qu'on peut le jouer comme instrument, ou est-ce que c'est un dispositif qui, une fois lancé, s'exprime avec ses... Enfin, il y a plein de tuyaux, il y a des éléments qui rappellent un peu les orgues, il y a des apôts. Voilà. Oui, c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux d'abord décrire l'instrument, mais je me suis dit en le disant, mais oui, comment on le joue, justement, c'est un peu... je pense qu'il y a plein de manières de le jouer, en fait. Enfin, c'est plutôt... et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on l'a imaginé aussi avec Léo. C'est une boîte à air, donc il faut imaginer une boîte noire fermée dans laquelle il y a de l'air qui rentre. Et de cette boîte, il y a 24 sorties, comme deux octaves chromatiques d'un piano, mais comme 24 sorties. On peut faire ce qu'on veut avec. Et après, en fait, ça va souffler dans un peu ce qu'on veut, dans les limites de ce que la pression des instruments qu'on met au bout demande, mais c'est assez modulaire. Si je veux mettre 24 flûtes à bec, je peux. Si je veux mettre 24 harmonica, je peux. Si je veux mettre des apos, je peux. Des flûtes d'orgue, je peux. Enfin voilà. Donc après, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait qu'aussi, c'est un peu infini. Donc je pense qu'il pourrait y avoir plein de vie avec cet instrument, en fait. J'ai même essayé de m'en servir sans flûte au bout, avec juste des micros qui, en fait, faire du souffle dans le micro, comme si je faisais ça, mais avec 24 sorties. Enfin, il y aurait plein de manières d'en jouer. Et là, il se trouve que moi, j'ai choisi de faire avec les apos et des flûtes d'orgue. Mais il y aurait plein d'autres possibilités. Et puis après, bah, ça peut un peu jouer tout seul, si on veut, par exemple, avec des séquences MIDI depuis l'ordi. Mais ça peut aussi jouer pas du tout tout seul. Enfin, j'en sais rien. À la place du souffleur, parce que donc faut savoir qu'il y a un souffleur qui produit l'air, on pourrait mettre un soufflet que quelqu'un active. Enfin, voilà. Par contre, c'est contrôlé en MIDI. Donc voilà, ça c'est contrôlé. Donc soit avec un ordi, tout ce qui marche en MIDI va pouvoir faire fonctionner cet instrument. Voilà. À peu près. Trop bien. C'était, ouais, je ne sais pas si c'était une description exhaustive, mais c'était déjà assez complet. Et en fait, il est déjà 11h55. C'est méga terrible parce qu'on était censé aller faire un workshop de cornemuse dehors. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Est-ce qu'on fait ça quand même ? On peut le faire. Ben, peut-être pendant qu'on prépare ça, vous pouvez nous dire pourquoi. Enfin, vous avez joué un moment ensemble de la cornemuse. Ouais. manifestement, vous saviez ce que vous faisiez ensemble. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez autour de cet instrument. Enfin, expliquez-nous. En fait, on s'est rencontrés, mais pas, au départ pas autour de cet instrument. C'est plus croisé dans les festivals de musique et de création musicale et compagnie. Et aux instants, je dirais. Et aux instants. Et puis, bah. Ouais, que dire. Moi, je suis un peu tombé dedans. C'était une cornemuse que je connaissais, mais. Que je connaissais avant de rencontrer Lise, c'est ça que je veux dire. Mais dès que j'ai commencé à me dire, je vais m'y mettre, parce que moi, il faut savoir que j'en joue depuis un an et demi. Et ben, j'avais quand même vraiment Lise un peu comme personne référente. En fait, pour moi, c'est un peu. C'est un peu ma. Je sais pas comment dire, mais. Ma mentor, en fait. Et c'est elle aussi qui m'a vachement dit « Mais oui, mais vas-y, trop bien !» qui m'a vachement poussé, qui m'a vachement invité à le faire, à m'y mettre. Qui m'a, enfin, en fait, voilà, pour moi, c'est... Non, c'est vrai, en plus, hein, je le dis sincèrement, quoi. Et du coup, voilà, donc, hier, effectivement, bah, c'était la première fois qu'on faisait ça, en fait, de jouer de la cornemuse tous les deux en même temps. Devant des gens. Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais caché. Sur les marches devant le théâtre Pitot FT. Voilà. Avec toi. Oh, merci. Donc voilà, après, je sais pas trop ce qu'il y a à dire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis. En tout cas, Lise suscite beaucoup de vocations. C'est clair. Ouais, non, mais faut dire qu'elle a vraiment une manière de communiquer son enthousiasme assez exceptionnelle. Et pédagogiquement aussi, c'est incroyable. Comme on dit à Lausanne. Incre. Ah, c'est incre. Et mince, parce que je voulais encore juste savoir si, méga rapidement, ouais. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a une aventure particulière qui t'a amené à t'intéresser, toi, à ce genre de son. Tu parles de la cornemuse ? Ou tu parles de... Ou des sons à air ou de... Ouais, alors moi, mon premier instrument, c'est la clarinette. Donc, j'ai fait de la clarinette. Ensuite, j'ai fait énormément de sax soprane. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup en autodidacte, en fait, le soprano. Tout ce qui marche à air, j'ai toujours un peu... Enfin, voilà, ça a été un... En gros, mes instruments de prédilection, c'est et les percussions et les instruments avant. Voilà, tu me donnes un truc à cordes, je suis vraiment piètre, par exemple, vraiment piètre guitariste. Mais voilà, c'est un peu ces deux pôles, percussions, instruments avant. Et donc, du coup, après, j'ai essayé de souffler dans une trompette. De comprendre les gestes liés à ces instruments-là, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Les embouchures, comment ça marche, qu'est-ce qui fait la vibration. Ouais, voilà. Et après, cette cornemuse en particulier, c'est passé par mon ami Ernest, qui fait le projet qui s'appelle Sourdure, avec qui je fais de la musique depuis plus de 10 ans, 15 ans. Qui, lui, s'est glissé vers ces musiques-là, vers la langue occitane, et qui m'a fait découvrir la boue, donc la cornemuse des Landes de Gascogne. Boue, ça veut dire souffler, et j'ai découvert via un luthier qui s'appelle Robert Mata, qui a arrêté de fabriquer, qui est un des quelques luthiers de cet instrument. Et on écoutait en boucle le son de cloud du luthier, comme des débiles, en se disant ouais, ça sonne comme une Game Boy. Et voilà, nous, notre truc, c'était ouais, ça sonne comme une Game Boy, c'est génial. Et puis petit à petit, voilà, m'est venue l'idée d'en acheter une. Enfin, j'ai eu une occasion, parce que donc ces instruments sont plus fabriqués, tout ça. Voilà, là je vous la fais c'est hyper vrai que ça on entendait dans le récap aussi, parce qu'il y a Jeanne qui t'a déjà enregistré en train de dire ouais, ça. Bah voilà, ça je répète, avant, bah oui, ouais. Évidemment. Ouais, ouais, tu te. C'est parce que je fais hyper court, donc du mais coup. Mais comme ça, on compare les versions super. Et au bout de voilà, on verra si c'est cohérent. Trop bien. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter la radio fixe pour lancer la radio portable, et puis on va aller faire un petit tour pour faire point dehors, et puis on reviendra se connecter ici pour causer avec Loïs du Khamsin. À tout de suite. Niveau pression. Voilà. Voilà. C'est bon, quoi. Et après, si t'as envie d'ajouter la main droite, le premier, il est là. En fait, il est vachement plus haut que le pouce. C'est un peu comme ça. Genre. Là. C'est génial. Ah oui, il y a celui-là qui est un peu plus bas. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas une position très très naturelle. Du coup, c'est difficile au début de choper les trous. Je vais te laisser la place. C'est... Mais je... Oui, oui. Ouais. Mais je vais peut-être faire juste un mini peu. Et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais oublié de monter le micro là-bas. Donc, on a eu 4 minutes de vent, enfin, de rien. Enfin, vraiment. Mais voilà, c'est pas grave. Alors, on s'est dit plein de choses pendant ces 4 minutes. C'était... Donc, en fait, on t'a juste pas entendu faire. Parce que c'était incroyable. Mais bon, bref. On n'a pas entendu. Ouais. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu parler non plus. Non. Ah, voilà. Et puis, on n'a pas non plus entendu Clément qui parlait de ce soir. Super. Voilà. Non, c'est alors, bon, tu vas reparler de ce soir. Ah non. Alors, bah, ce soir, bah, voilà, en fait, ce soir, bah, voilà, il va y avoir... Alors, ce soir, je joue un projet qui s'appelle Sarah Terral, qui est donc... Voilà, c'est... Voilà. Ça va être à peu près comme ça. Vas-y, ça va être voilà, à peu près comme ça. Des fois, ça sera comme ça aussi. La suite du programme. Très beau concert. Encore. Encore après. Parce qu'on, oui, bien sûr. Oscar, faut que t'essayes aussi parce que c'est tout comme moi hier là. Ça fait trop plaisir. Vas-y, on fait une matière. Alors on va peut-être, on va pas quitter l'antenne, mais peut-être qu'il faudrait qu'on enchaîne sur la suite. Et du coup, on fait directement avec Loïs, non ? Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc la suite, c'est Loïs Castellano. Il faut diffuser quelque chose. Oui. Alors, oui. Notre méditation, alors peut-être qu'on s'y... Ouais, mais il faudra qu'on le fasse depuis dehors.